Chapitre 12. Pour retrouver la piste de Go, il lui fallait retourner d'abord vers le camp des dévoreurs d'hommes. Il marchait plus lentement. Son épaule brûlait sous les feuilles de saule qu'il avait pressées. Sa tête bourdonnait. Il sentait une douleur à l'endroit où l'avait atteint la massue et il éprouvait une grande mélancolie à voir que, après la conquête du feu, sa tâche demeurait aussi rude et aussi incertaine. Il arriva ainsi au tournant de la même freinée, d'où, avec ses jeunes hommes, il avait aperçu la halte d'examen. Alors, un brasier rouge y éteignait la lueur de la lune montante. Maintenant, le camp était morne, les braises dispersées par Nao s'étaient toutes éteintes, l'argenture nocturne se posait sur l'immobilité des hommes et des choses, on n'entendait que la plainte intermittente d'un blessé. Nao, ayant consulté chacun de ses sens, eut la certitude que les poursuivants n'étaient pas revenus. Il marcha vers le camp. Les plaintes du blessé cessèrent. Il sembla n'y avoir plus là que des cadavres. D'ailleurs, il ne s'attarda pas. Il marcha dans la direction par où Gao avait fui tout d'abord, et il retrouva la piste. D'abord facile à suivre, accompagnée qu'elle était par les traces nombreuses d'examen et presque en ligne droite, elle s'infléchissait par la suite. Tournait entre des mamelons, revenait sur elle-même, traversait des broussailles. Une mare la coupait brusquement. Nao ne la ressaisit qu'au tournant de la rive, humide maintenant, comme si Gao et les autres eussent été trempés dans l'eau. Devant un bois de sycomores, l'examen avait dû se diviser en plusieurs bandes. Nao réussit toutefois à démêler la direction favorable et marcha pendant 3 ou 4 000 coudées encore. Mais alors, il dut s'arrêter. De gros nuages engloutissaient la lune, l'aube ne se décelait pas encore. Le fils du léopard s'assit au pied d'un sycomore qui croissait depuis 10 générations d'hommes. Les fauves avaient fini leur chasse. Les animaux diurnes ne bougeaient pas encore, cachés dans la terre, les fourrés, les trous des arbres ou parmi les ramures. Nao se reposa. Quelques gouttes du temps éternel s'écoulèrent à travers la vie fugitive du bois. Puis une blancheur froide commença à se répandre de cime en cime. L'aube d'automne, appesantie et morte, effleurait les feuilles débiles et les nids ruineux, poussant devant elle une petite brise qui semblait le soupir des sycomores. Nao, debout devant la lumière encore pâle comme la cendre blanche d'un foyer, mangea un morceau de chair séchée, se pencha sur le sol et se remit à suivre la piste. Elle le guida pendant des milliers de coudées. Sortie du bois, elle traversa une plaine de sable où l'herbe était rare et les arbres sourds rabougris. Elle tourna parmi des terres où les roseaux rouges pourrissaient au bord des mares. Elle monta une colline et s'engagea parmi des mamelons. Elle s'arrêta enfin au bord d'une rivière que Gao certainement avait franchie. Nao la franchit à son tour et, après de longues démarches, découvrit que deux pistes de Xam convergeaient. Gao pouvait être cerné. Alors, le chef pensa qu'il serait bon d'abandonner le fugitif à son sort afin de ne pas risquer, contre une seule existence, sa vie, celle de Nam et celle du feu. Mais la poursuite l'exaspérait, quelques fièvres battaient entre ses tempes. Une espérance s'obstinait malgré tout. Il subissait aussi le simple entraînement de la chose commencée. Outre les deux parties de Xam, dont Nao venait de reconnaître la ruse, il fallait craindre celui qui avait poursuivi Nam et qui, après tant de tours et de détours, avait eu le temps de prendre une position avantageuse, si même il ne s'était divisé en groupe enveloppant. Confiant dans sa grande vitesse et dans sa ruse, le fils du léopard suivit sans hésiter la piste même de Gao, s'arrêtant à peine pour sonder l'étendue. Le sol devint dur. Le granit apparaissait sous un humus pauvre et de couleur bleuâtre. Puis une colline escarpée se présenta, que Nao se décida à gravir, car les traces étaient maintenant assez récentes pour que de la cime on pût espérer surprendre la silhouette de Gao ou une partie des poursuivants. Le nomade se glissa parmi la broussaille et parvint tout en haut de la colline. Il poussa une faible exclamation. Gao venait d'apparaître sur une bande de terre rouge, terre de minium qui semblait arrosée de sang de troupeaux innombrables. Derrière lui, à mille coudées, les hommes aux grands torses et aux jambes brèves avançaient en ordre éparpillé. Vers le nord, une deuxième troupe débordait. Toutefois, malgré la durée de la poursuite, le fils de Saïgan ne semblait pas épuisé. L'exam trahissait une fatigue pour le moins égale à la sienne. Durant la longue nuit d'automne, Gao n'avait pris le galop que pour se dérober aux embûches ou pour inquiéter les ennemis. Par malheur, les manœuvres d'exam l'avaient égaré. Il se dirigeait à l'aventure, sans plus savoir s'il était au couchant ou au midi du roc où il devait rejoindre le chef. Nao put suivre les péripéties de la chasse. Gao filait vers un bois de pins au nord-est. La première troupe le suivait en formant une ligne brisée qui coupait la retraite sur un front de mille coudées. La deuxième troupe, qui débordait au nord, commençait à s'infléchir de manière à atteindre le bois en même temps que le fugitif. Mais tandis que celui-ci l'aborderait par le sud-ouest, eux devaient y accéder par le levant. Cette situation n'était point désespérée, ni même très défavorable, pourvu que le fugitif obliquât vers le nord-ouest dès qu'il se trouverait à couvert. Véloce, il lui serait facile de prendre une avance convenable, et si Nao le joignait alors, il pourrait prendre la voie du grand fleuve. D'un coup d'œil bref, le chef reconnut la voie favorable. C'était une étendue broussailleuse où il serait caché et qui le mènerait à la hauteur du bois au couchant. Déjà, il se disposait à descendre de la colline lorsqu'une péripétie nouvelle, beaucoup plus redoutable, le fit tressaillir. Un troisième parti apparaissait, cette fois au nord-ouest. Gao ne pouvait plus éviter l'étreinte d'exam qu'en fuyant à l'occident à grande vitesse. Il ne semblait pas avoir conscience du péril. Il suivait une ligne droite. Une fois encore, Nao hésita entre la nécessité de sauvegarder le feu, Nam et lui-même, et la tentation de secourir Gao. Une fois encore, il céda à la force mystérieuse qui pousse l'homme et les bêtes à poursuivre l'œuvre commencée. Le fils du léopard, après un long regard sur le site, dont toutes les particularités se fixèrent sur sa rétine, descendit la colline. Il s'engagea le long de la broussaille, dont il suivit la limite occidentale. Puis il fit un crochet à travers de hautes herbes bleues et rousses, et comme sa vitesse dépassait de beaucoup celle d'Exam et de Gao, qui ménageaient leur souffle, il arriva en vue du bois avant que le fugitif ne s'y fût engagé. Maintenant, il lui fallait faire connaître sa présence. Il imita la bramée de l'élaf en la répétant trois fois. C'était un signal familier aux oularmes. Mais la distance était trop grande. Gao aurait peut-être entendu en temps ordinaire. Hélas, son attention tendue sur les poursuivants, le rappel lui échappa. Alors Nao se décida à paraître. Il jaillit des hautes herbes, surgit devant les ennemis et poussa son cri de guerre. Un long hurlement répété par les parties de Xam qui survenaient à l'ouest et à l'est du bois se répercuta dans l'espace. Gao s'arrêta, tremblant sur ses jarrets, de joie et d'étonnement, puis donnant toute sa vitesse, il accourut vers le fils du léopard. Déjà celui-ci, sûr d'être suivi, fuyait selon la ligne praticable. Mais le troisième parti de Xam, averti, avait aussi changé de route et se précipitait pour couper la retraite, tandis que les premiers poursuivants se portaient à grande vitesse dans une direction presque parallèle à celle des fugitifs. Ces manœuvres réussirent. La route de l'ouest se trouva bloquée à la fois par Xam et par une masse rocheuse presque inaccessible, et il devenait impossible de s'infléchir vers le sud-ouest où des guerriers formaient un demi-cercle. Comme Nao menait directement Gao vers le roc, Xam resserrant leur étreinte, poussèrent un cri de triomphe. Plusieurs parvinrent à 50 coudées des oularmes et lancèrent des sagaies. Mais Nao, traversant un rideau de broussailles, entraînait son compagnon à travers un défilé entrevu du haut de la colline. L'Exam hurlait. Quelques-uns se hissèrent à leur tour jusqu'au défilé. Les autres tournèrent l'obstacle. Cependant, Nao et Gao fuyaient de toute leur vitesse. Ils eussent pris une avance considérable si le terrain n'avait été si rude, si inégal et si mouvant. Quand ils ressortirent à l'autre extrémité de la masse rocheuse, trois Xam débouchaient du nord et coupaient la retraite. Nao eût pu biaiser en se rejetant au midi, mais il entendait le bruit croissant de la poursuite. Il sut que de ce côté aussi, sa course allait être arrêtée. Toute hésitation devenait mortelle. Il s'élança droit sur les survenants, la massue d'une main et la hache de l'autre, tandis qu'Ogao saisissait son harpon. Craignant de laisser échapper les oularmes, les trois Xam s'étaient éparpillés. Nao bondit sur celui qui était vers sa gauche. C'était un guerrier très jeune, leste et flexible, qui leva sa hache pour parer l'attaque. Un coup de massue lui arracha son arme. Un second coup l'abattit. Les deux autres dévoreurs d'hommes s'étaient précipités sur Gao, comptant le terrasser assez vite pour réunir leurs forces contre Nao. Le jeune oularm avait dardé une sagaie et blessé, mais faiblement, un des agresseurs. Avant qu'il eût pu frapper de l'épieu, il était atteint à la poitrine. Un recul rapide, puis un bond transverse, lui permirent de se mettre en garde. Tandis que l'un des Xam l'attaquait de face avec vélocité, l'autre cherchait à le frapper par derrière. Gao allait succomber lorsque Nao arriva. L'énorme massue s'abattit avec le bruit d'un arbre qui croule. Un Xam craqua et s'affaissa. L'autre battit en retraite vers un groupe de guerriers qui, débouchant au nord, s'avançait à grande allure. Il était trop tard. Les oularmes échappaient à l'étreinte. Ils fuyaient vers l'ouest le long d'une ligne où aucun ennemi ne leur barrait le passage. À chaque bond, ils augmentaient leur avance. Ils coururent longtemps, tantôt sur la terre sonore, tantôt sur la fange ou parmi les herbes sifflantes, tantôt dans la brousse ou dans les tourbières, tantôt gravissant les côtes et tantôt dévalant éperdument. Bien avant que le soleil fût au milieu du firmament, ils avaient 6000 coudées d'avance. Souvent, ils espérèrent que l'ennemi cesserait la poursuite, mais lorsqu'ils atteignaient une cime, ils finissaient toujours par découvrir la meute acharnée des dévoreurs d'hommes. Or, Gao s'affaiblit. Sa blessure n'avait pas cessé de répandre du sang. Quelquefois, ce n'était qu'un filet insaisissable. Malgré la galopade furieuse, la plaie semblait close. Puis, après quelques efforts plus brusques ou quelques faux pas dans une frondrière, le liquide rouge se mettait à sourdre. De jeunes peupliers s'étaient rencontrés. Nao avait construit un tampon de feuilles, mais la blessure continuait à saigner sous le bandage. Peu à peu, la vitesse de Gao devint égale, puis inférieure à celle d'Exam. Chaque fois maintenant que les fugitifs se retournaient, l'avant-garde d'Exam avait gagné du terrain. Et le fils du léopard, avec une rage profonde, songeait que si Gao ne reprenait pas quelque force, il serait rejoint avant d'avoir pu atteindre le troupeau des mammouths. Mais Gao ne reprenait pas de force. Une colline se présenta, qu'il gravit avec une peine excessive. Au sommet, les jambes tremblantes, le visage couleur de cendre, le cœur exténué, il chancela. Et Nao, tourné vers la troupe fauve qui commençait à gravir la pente, vit combien la distance avait encore décru. « Si Gao ne peut plus courir, dit-il d'une voix creuse, les dévoreurs d'hommes nous auront rejoints avant que nous n'arrivions en vue du fleuve. » Les yeux de Gao sont obscurs, ses oreilles sifflent comme des grillons, balbutia le jeune guerrier. Que le fils du léopard continue seul sa course, Gao mourra pour le feu et pour le chef. Gao ne mourra pas encore. Et se tournant vers l'Exam, Nao poussa un furieux cri de guerre. Puis jetant Gao sur son dos, il reprit sa course. D'abord, son grand courage et sa formidable musculature lui permirent de garder son avance. Sur le sol déclive, il bondissait, emporté par la pesanteur. Flexible comme des branches de frêne, ses jarrets soutenaient cette chute incessante. Au bas de la colline, son souffle s'accéléra, ses pieds s'alourdirent. Sans sa blessure qui brûlait sourdement, sans le coup de massue sur la tête qui faisait encore bruire ses oreilles, il aurait pu, même avec Gao sur l'épaule, devancer les dévoreurs d'hommes aux jambes trapues et lassées par une longue course. Mais il avait dépassé ses forces. Nulle bête sur la steppe ou sous les futaies n'aurait pu mener une tâche aussi longue et aussi harassante. Maintenant, sans relâche, la distance décroissait qui le séparait d'Exam. Il entendait leurs pas gratter la terre et y rebondir. Il savait à chaque moment de combien il se rapprochait. Ils furent à 500 coudées, puis à 400, puis à 200. Alors le fils du léopard déposa Gao sur la terre, et les yeux hagards, il eut une hésitation suprême. « Gao, fils de Saïga, dit-il enfin, Nao ne peut plus t'emporter devant les dévoreurs d'hommes. » Gao s'est redressé, il dit, « Nao doit abandonner Gao et sauver le feu. » Tout engourdi, car malgré le secousse, il avait dormi sur l'épaule du chef, il se secoua, il étendit les bras, et les Xams, parvenus à 60 coudées, levaient leurs sagaies pour commencer la lutte. Nao résolut à ne fuir qu'au dernier moment, leur fit face. Les premiers projectiles bourdonnèrent, lancés de trop loin, la plupart retombaient sans même parvenir jusqu'au houlame. Un seul, effleurant Gao à la jambe, lui fit une blessure aussi légère qu'une épine d'églantier. À la riposte, Nao atteignit le plus proche des dévoreurs d'hommes. Ensuite, il transperça le ventre d'un guerrier qui s'avançait à grands bonds. Ce double exploit jeta le trouble parmi les agresseurs d'avant-garde. Ils poussèrent une clameur épouvantable, mais s'arrêtèrent pour attendre du renfort. Cette pause fut favorable aux oularmes. La piqûre semblait avoir réveillé Gao. D'une main encore faible, il avait saisi un harpon et le brandissait, attendant que les ennemis fussent à bonne portée. Nao, voyant le geste, demanda « Gao a donc repris de la force ? Qu'il fuit ! Nao retardera la poursuite !» Le jeune guerrier hésitait, mais le chef reprit d'un ton bref « Va !» Gao se mit à fuir, d'un pas qui, d'abord lourd et hésitant, s'affermissait à mesure. Nao reculait, lente et formidable, tenant à chaque main une sagaie, et l'examen hésitait. Enfin, leur chef ordonna l'attaque. Les dards sifflèrent, les hommes bondirent. Nao arrêta encore 2 guerriers dans leur course et prit du champ. Et la poursuite recommença sur la terre innombrable. Gao parfois retrouvait ses jarrets, parfois s'alanguissait, les muscles mous, le souffle rude. Nao l'entraînait par la main, l'avantage n'en restait pas moins aux Xams. Il suivait d'un trot soutenu sans même se hâter, confiant dans leur endurance. Or Nao ne pouvait plus emporter son compagnon. La grande fatigue et la fièvre rendaient sa blessure pesante. Son crâne s'emplissait de rumeurs, et par surcroît, il avait heurté son pied contre une roche. « Il faut que Gao meure !» ne cessait de répéter le jeune guerrier. « Nao dira qu'il a bien combattu !» Sombre, le chef ne répondait point. Il écoutait le trot des ennemis. De nouveau, ils furent à 200 coudées, puis à 100, tandis que les fugitifs gravissaient une pente. Alors, le fils du léopard, rassemblant ses énergies profondes, maintint la distance jusqu'en haut du mamelon. Et là, jetant un long regard sur l'Occident, la poitrine palpitante à la fois de lassitude et d'espérance, il cria « Le grand fleuve ! Les mammouths !» L'eau vaste était là, miroitante parmi les peupliers, les aulnes, les frênes et les vernes. Le troupeau était là aussi, à 4000 coudées paissant les racines et les jeunes arbres. Nao se rua, entraînant Gao dans un élan qui leur fit gagner plus de 100 coudées. C'était le dernier soubresaut. Ils reperdirent cette faible avance coudée par coudée. L'examen poussait leur cri de guerre. Quand 2000 coudées séparèrent Nao et Gao de la cime du mamelon, l'examen était presque à portée. Ils gardaient leurs pas égales et brefs, d'autant plus sûrs d'atteindre les oularmes qui les acculeraient au troupeau des mammouths. Ils savaient que ceux-ci, malgré leur indifférence pacifique, ne souffraient aucune présence, donc ils refouleraient les fugitifs. Toutefois, les poursuivants ne négligeaient pas de se rapprocher. On entendait maintenant leur souffle, et il fallait encore parcourir 1000 coudées. Alors Nao poussa une longue plainte, et l'on vit un homme émerger d'un bois de platane. Puis une des énormes bêtes leva sa trompe avec un baril strident. Elle s'élança, suivie de 3 autres, droit vers le fils du léopard. Les Xams, effarés et contents, s'arrêtèrent. Il n'y avait plus qu'à attendre le recul des oularmes, à les cerner et à les anéantir. Nao, cependant, continua de courir pendant 100 coudées, puis tournant vers les Xams, son visage creux de fatigue et ses yeux étincelants de triomphe, il cria « Les oularmes ont fait alliance avec les mammouths. Nao se rit des dévoreurs d'hommes !» Tandis qu'il parlait, les mammouths arrivèrent. à la stupeur infinie d'Exam, le plus grand mit sa trompe à l'épaule de Loulame, et Nao poursuivit. Nao a pris le feu, il a abattu 4 guerriers dans le campement, il en a abattu 4 autres pendant la poursuite. L'Exam répondirent par des hurlements de fureur, mais comme les mammouths avançaient encore, ils reculèrent en hâte, car, pas plus que les Oulam, ils n'avaient encore conçu que l'homme pût combattre ces hordes colossales.